Chapitre 5e, Haute Pègre. En somme, mon équipée de la Maison Rouge ne me laissait pas sans profit. Je savais maintenant que la fameuse bande se réduisait à un trio, qu'elle possédait deux centres d'opération, enfin, que ces deux centres d'opération devaient être relativement rapprochés l'un de l'autre, et que le premier est monté, il ne fallait pas pousser mes recherches beaucoup plus loin pour trouver le second. Dussé-je battre l'estrade tout le long des routes rayonnant autour de Mareuil jusqu'à 100, 200 kilomètres et plus, je me jurais que je n'en aurais pas le démenti. Et me voilà parti, à bicyclette, questionnant à droite et à gauche sur mon chemin. Vous ne connaissez pas dans le pays une automobile à caisse vert foncé, montée habituellement par deux messieurs ou par un monsieur et une dame répondant à tel et tel signalement? Comme il ne manque pas, de par le monde, d'automobiles à caisse vert foncé, je viens me livrer à pas mal de démarches inutiles. Je n'en persévérerai pas moins, estimant ma méthode excellente, et cela non sans raison. Mes pérégrinations m'amenèrent en effet à S, délicieux village de Seine-et-Oise, dans l'arrondissement de Mantes. Là, un cantonnier me répondit connaître fort bien une automobile à caisse vert foncé, cela pour la bonne raison qu'elle appartenait à l'un des personnages les plus en vue du pays, tout simplement à M. le conseiller général de S, que j'appellerai M. Léonce Morsan. Un conseiller général, fichtre, inutile d'insister. Pourtant, mon cantonnier ajouta de lui-même certains détails qui ne laissèrent pas que de me donner à réfléchir. Il ne se passait guère de jours que M. le conseiller et sa dame ne sortissent en automobile, soit ensemble, soit la jeune femme seule souvent, car elle conduisait aussi bien qu'un homme. Et puis la vitesse, vous savez, ça n'a peur de rien. D'ailleurs, avec sa casquette de cuir et ses cheveux taillés comme ceux de son mari, on jurait un vrai garçon. « Comment son mari porte-t-il donc les cheveux ? » interrogeai-je négligemment. « À lui descendre jusque-là. » Le cantonnier esquissa du doigt autour de la tête une ligne qui aboutissait au-dessus de l'oreille. « Avec sa figure rasée, sans un brin de barbe, ajouta-t-il en riant, on dirait un comédien comme il en vient ici, dans la belle saison. » Je m'éloignai, pensif, après avoir remercié mon brave casseur de cailloux. Il y avait vraiment, dans le double signalement qu'il venait de me fournir, un ensemble de coïncidences plutôt troublantes, et j'avais beau repousser, comme absurde, à force d'invraisemblance, l'hypothèse de ce conseiller général chef de bande, d'une bande qui serait composée de lui-même et de sa femme, je ne pouvais m'abstraire de cet axiome de police qui, en matière criminelle, tout est possible, même et surtout l'invraisemblable. Comme à Mareuil, ce fut au maire de l'endroit que je m'adressais, sans toutefois lui laisser soupçonner le but réel de ma visite. Voici les renseignements qu'il voulut bien me donner. M. Léonce Morsan était un enfant du pays. Il appartenait à une excellente famille. Sans doute il avait eu une jeunesse orageuse. Même ses désordres de conduite, tandis qu'il faisait son droit à Paris, n'avaient pas été sans susciter de graves ennuis financiers à ses parents, qui moururent, laissant grever d'hypothèque leur château de Lermenau. Mais il eut la chance d'épouser une femme de tête qui dut exercer sur lui la plus salutaire influence, car depuis son mariage, on avait pu constater chez lui un changement complet. Il était revenu au pays, il avait payé ses dettes, dégagé le château de Lermenau, et là, menant grand train, tenant table ouverte, possédant un des équipages de chasse les mieux tenus de la contrée, il occupait une situation exceptionnelle dans la haute bourgeoisie locale, qui fermait les yeux sur certaines excentricités d'allure de Madame Morsan, une Parisienne délicieuse. Par ailleurs, serviable, généreux, familier avec le petit monde, il était adoré du populaire et avait été élu haut la main conseiller général aux dernières élections. « À quelles excentricités d'allure, demandai-je, faites-vous allusion ? » ?»« Oh, peu de choses, mais on est si collé monté en province. » On reproche à Madame Morsan d'afficher des goûts masculins. Passionnée de sport, elle fait de la bicyclette, conduit elle-même son automobile avec l'habileté et la hardiesse d'un chauffeur de profession, monte à cheval comme un homme, s'habille même en homme, prétendent les mauvaises langues, en tout cas, depuis paraît-il qu'une fièvre typhoïde l'aurait obligée à se raser la tête, porte ses cheveux taillés à la garçon. Pour mener grand train de maison, M. Morsan possède une belle fortune. Sa femme lui aurait apporté le sac, et puis il fait des affaires à Paris. Quel genre d'affaires? Je ne saurais au juste vous renseigner sur ce point. Alors il doit s'absenter souvent, mais non, on le voit presque toujours au château, où, comme il est très accueillant, peut se présenter en tout temps avec la presque certitude d'être reçu. Eh, pensais-je, pourquoi pas? À la réflexion, je jugeais la visite trop dangereuse. Il me fallait bien supposer une certaine dose de pénétration à un particulier capable de jouer si longtemps avec impunité le petit jeu, dont après ma conversation avec M. le maire de S, je faisais plus que soupçonner M. le conseiller de tenir les cartes. Néanmoins, avant de partir conférer avec mon chef sur les mesures à prendre le concernant, je voulus le voir de mes propres yeux et j'allais me poster aux abords du château de Lermenau qui, distant d'un kilomètre du bourg, s'élevait à mi-pente d'un coteau boisé dans un site ravissant. Là, le hasard me servit à souhait. Il n'y avait pas trois quarts d'heure que, dissimulé derrière un tronc d'arbre, je surveillais l'entrée lorsqu'un domestique vint ouvrir la grille pour laisser sortir l'automobile de ses maîtres. L'automobile était, ma foi, peinte en vert foncé. Quant au châtelain, il s'offrait à moi de face. J'eus donc tout le loisir de les examiner et de les comparer mentalement aux escrocs décrits par leurs victimes. Lui, de taille moyenne et svelte, de tournure élégante, teint clair, cheveux longs, lèvres minces, menton en galoche, nez plutôt long, relevé et pointu du bout, yeux d'un bleu glauque très vif, répondait assez exactement au portrait du baron de Beaufleury tracé par Jean Cavalier, à ces deux détails près que le sieur de Mourson était blond et avait le visage complètement rasé, détail du reste négligeable étant donné l'habileté de l'aventurier à se grimer. Quant à la particularité de la cicatrice à l'oreille, il m'était impossible de me livrer à une vérification. Elle, jolie, très crâne, très masculine, avec ses cheveux à la garçon bouffant sous la casquette de cuir, évoquait fatalement dans mon esprit le souvenir du chauffeur du terminus. Or, me rappelant, d'autre part, les empreintes d'un pied d'enfant laissé par ce même chauffeur dans le champ de Marc-en-Mareuil, je me confirmais dans mon idée, à savoir que la délicieuse châtelaine possédait, à l'égal de son mari, la faculté de métamorphoser à volonté sa personnalité, son sexe même, et que, enfin, oui, la fameuse bande mystérieuse se réduisait en dernière analyse à ce couple de mondains dévoyés. La vie est plus drôle parfois que les plus ingénieuses inventions des feuilletonistes. Le soir même, je rentrai à Paris. Si j'escomptais un gros succès de curiosité auprès de mon chef, je fus servi à souhait. Au nom de Morsan, le digne fonctionnaire bondit sur son fauteuil. « Hein ? » fit-il, les yeux ronds de stupeur. « Vous avez dit Morsan ? » Le conseiller général de S, Léonce Morsan. Monsieur Léonce Morsan, le conseiller général de S, parfaitement. Ah, ça, Javert, vous êtes fou. Pas que je sache, chef. Et si vous voulez me prêter un moment d'attention, je vous répète que vous êtes fou, fou allié, monsieur Morsan, elle est bien bonne. Mais moi qui vous parle, je le connais, monsieur Morsan, personnellement. Nous avons chassé ensemble, tenez, pas plus tard que la semaine dernière, à S même, où notre ami commun X, qui possède là une propriété, nous présenta l'un à l'autre. J'ai même reçu de lui hier une invitation pour samedi prochain. C'est lui, le plus aimable compagnon qu'il soit possible d'imaginer. Mon pauvre Javert, sur quelle piste votre zèle vous a-t-il fourvoyé? Non, laissez-moi rire. Riez, chef, tant qu'il vous plaira. La chose dépasse, je dois le confesser, les limites de la vraisemblance. Dites que c'est de l'insanité pure. Je n'en maintiens pas moins, de la façon la plus formelle, ce que j'avance. Il me fait fort de vous fournir des preuves les plus concluantes à l'appui de mon accusation. Mais à partir du moment où, commentant les résultats de la perquisition opérée à la Maison Rouge, dévoilant pour la première fois et résumant certaines observations antérieures, je laissais entendre que la police était fixée sur la composition véritable de la bande mystérieuse, alors les sentiments qui se reflétaient sur les visages des intéressés devinrent curieux à étudier. Leur vernis d'impassibilité craquait de la façon la plus lamentable, et ce qui se manifestait peu à peu sur leurs masques grimaçants, en dépit d'efforts surhumains pour ne pas trahir devant leur entourage leurs angoisses intérieures, c'était une stupeur grandissante mêlée d'épouvante. Ils sentaient le cercle des soupçons se rétrécir graduellement autour d'eux et déjà, la menace du dénouement planait sur leur tête. Dès à présent, j'étais convaincu de leur culpabilité. Je n'en poursuis pas moins. Oui, l'on pouvait au début se figurer avoir affaire à une vaste association de malfaiteurs, tant se présentait déconcertante la multiplicité de ces coups. La vérité était plus simple et plus amusante que cela. D'un nombre d'affiliés que l'imagination avait démesurément amplifié, tombé à 5, puis à 4, enfin à 3, après l'incident Grossac, on découvrait qu'en dernière analyse, la fameuse bande mystérieuse se réduisait à un couple unique, et c'est ici que dans ce récit rigoureusement véridique, je vous le jure, nous touchons aux extrêmes limites de l'invraisemblance. Comment supposer en effet qu'un homme et une femme appartenant, par leur naissance et par leur situation, à la haute bourgeoisie, un châtelain, considéré dans son pays au point de s'être vu investir de fonctions électives importantes, une châtelaine charmante, fêtée par tout son voisinage, n'eussent pas craint, tablant sur l'estime qui les entourait, qui dans leurs calculs les couvrirait au besoin, de se livrer à de telles entreprises criminelles? Et comment se serait-on avisé d'aller les chercher dans le repère où ils jouissaient du fruit de leur rapine avec une presque absolue certitude d'impunité? Mais ils comptaient sans ce capricieux auxiliaire de la justice, le hasard, qui mit sur leur trace le limier de la préfecture de police. Dès lors, celui-ci ne devait plus les lâcher. J'hésitais avant d'asséner le coup de massue final. Un souffle de drame avait passé dans la salle où, au milieu d'un silence glacial, silence de mort, tous les regards s'étaient tournés, chargés d'une muette réprobation vers le couple tragique. Lui ne songeait plus à railler, encore moins à défier. Blême, les traits affreusement convulsés, évidemment, chez lui, la tension nerveuse avait atteint les dernières limites de la résistance. Quant à elle, défaillante, ne se soutenant plus que par un miracle d'énergie, ses mains crispées se promenaient sur la nappe avec des gestes d'agonie. Ils m'inspirèrent une réelle pitié. Je me décidai de brusquer le dénouement. Je repris. Entre autres particularités, le policier en avait relevé une, caractéristique dénonçant infailliblement l'escroc, dont, sous ses multiples incarnations, ses victimes, sans exception, avaient remarqué l'abondante chevelure. Eh bien, on savait que cette chevelure n'était qu'une perruque, et que cette perruque ne servait à notre insaisissable protée qu'à dissimuler une tare physique très apparente, une cicatrice affectant le lobe de l'oreille gauche. Je n'eus pas besoin de pousser plus loin la démonstration. Brusquement, Moursan s'était dressé de toute sa hauteur, en bégayant d'une voix rauque des mots indistincts, tandis que sa femme se cachait le visage dans sa serviette. Je ne jugeais pas à propos de prolonger cette scène pénible. Je lançai un coup de sifflet, signal convenu avec mes hommes que j'avais apostés aux abords du pavillon. Je n'oublierai jamais la scène qui s'ensuivit et dont les péripéties se déroulèrent avec une effroyable rapidité. Au moment où la porte s'ouvrit, encadrant les agents, avant que personne n'eût pu essayer de mettre obstacle à sa funeste décision, Moursan, ayant échangé un signe avec sa femme, sautait sur son fusil déposé dans un coin de la pièce, l'armait, appliquait le canon sous son menton et du bout de sa botte actionnant la gâchette, roulait à terre, le crâne fracassé. Sa perruque, détachée par la violence de l'explosion, découvrait, avec le lobe mutilé de l'oreille gauche, l'identité du capitaine de la trop fameuse association. Lorsqu'on songea à se préoccuper de sa complice, on s'aperçut qu'elle aussi n'était plus qu'un cadavre. Ayant glissé de sa chaise sous la table, elle tenait encore, brisée entre ses dents, une minuscule ampoule de verre qui avait dû contenir quelque poison foudroyant. Et ce fut tout. Dans le but d'éviter un scandale inutile, les coupables ayant payé leurs dettes, l'affaire, de complicité avec les assistants et la justice, ne fut pas ébruitée. Les journaux, dûment stylés, imprimèrent cette version anodine du mari tué dans un accident de chasse, de la femme morte de saisissement, et le silence se fit autour du triste couple. Depuis lors, le public ne devait plus entendre parler de la bande mystérieuse. Maxime Audouin.